Eh les gars, je viens d'avoir une putain de révélation. J'ai sortir un truc sur une petite prod de Cléon Check. Je contourne les règles et je vis dans un monde utopique. Si je suis pas pris soir, c'est qu'il n'y a plus de logique. Tu peux faire une croix sur la case de l'originalité. Violent à tel point que je vais baisser le taux de criminalité. Si je vous mange tous, c'est parce que j'ai l'appétit vorace. Je fais que tous ces racistes de merde allez niquer vos races. Y'a du niveau ce soir, donc avec Léon photocombine. Je me fais des de tout part, mais c'est pas de la photocopine. Je froisse des dizaines de photocopies. Ce que tu vois, le délire, j'ai qu'une envie, c'est de me casser le crâne et de boire des litres. Je crois que je dérive depuis que je gratte mes textes dans la pénombre. J'ai du mal à m'entendre puisque là-dedans on est très nombreux. Sur scène, j'ai de l'assurance puisque je fais ça à ma guise. C'était les meilleurs rappeurs jusqu'à ce que j'arrive. Je gratte des bouts de passage et je t'assure que dans mon crew ça rappe. C'est la cerise sur le gâteau quand je trouve des gros pas mal. Le petit n'est pas tout seul à voyager. Le petit n'est pas tout seul à voyager. Le petit n'est pas tout seul à voyager. Le petit n'est pas tout seul à voyager. J'ai envie de voyager alors j'avance à pas de géant. Le partage est grand lorsque l'on parle à des gens. La richesse intérieure se trouve à l'extérieur des frontières. Sur ce, ce sont mes frères dans ce qu'elles en sont fiers. Envie de voyager demain ce que ne soit pas Kuba Matata. Sur un sans souci et chante Hakuna Matata. Comme si j'étais heureux mais d'un coup ça va grave mal. Tu veux me battre mais que tu sois Barack ou pas ta frappe man. Ne m'attends pas si j'hyper force et que je persévère. J'ai eu une bonne éducation et ce grâce à un persévère. Oui, l'archi bien présent sur la mixtape de l'art du rap. Là tu vois la bûche, la fume à la maison, fais du rap durable. Flax, tu la prod et que j'élimine toute ta fine équipe. A force de vous copier dessus on ne sait même pas qui est qui je suis. Pour le partager qui tape, oui je pousse ce Qatar et qui rappe. Si j'ai ta part c'est que tu ne voulais pas partager petit gars. Le petit n'est pas tout seul à voyager. Le petit n'est pas tout seul à voyager. Le petit n'est pas tout seul à voyager. Le petit n'est pas tout seul à voyager. L'architecte.